de te faire l'amour comme si j'avais 15 ans, pudique comme un velours, étrange sentiment, comme un gamin patient, caché sous l'escalier, qui attend tout tremblant sa voisine de palier. La porte vient de s'ouvrir, gamin, brûle tes yeux, les plus beaux souvenirs sont gravés par le feu, elle monte pas à pas, dévoilant ses dessous, gamin, ne t'endors pas, elle est au rendez-vous. Rêve de te faire l'amour, soleil et maraudeur, tout au fond d'une cour sordide et sans couleur. Rêver de faire l'amour comme ça de peur à peur, comme ma main sans détour mouillera tes pudeurs. Image sans limite, tu fermeras les yeux, la folie qui m'incite peignera tes cheveux. Tu me diras des mots que tu n'as jamais dit, de la pute au salaud qui joue la comédie. De te faire l'amour inquiet comme un voleur, guettant les bruits autour, tous les bruits l'ascenseur. Chacun de tes murmures frissonneront mon corps. Je te clouerai au mur, j'invoquerai la mort. À quelques pas de nous, une chatte en chaleur, collée à trois matous, criante de bonheur. Des ombres dans la rue te feront hésiter, mouillante ton refus sera ma liberté. Rêve de te faire l'amour par-delà le plaisir, dans un très vieux faubourg, un passe des soupirs. Je serai insolent, brûlerai tes frontières, je serai l'océan et tu seras la mer. Je plongerai 100 fois et jusqu'à me noyer, je plongerai en toi comme un aventurier, loin de toutes les morales, redevenu sauvage, baisant jusqu'aux étoiles comme un vieil animal. Rêve en toi, douce planète, redevenu petit, je me ferai poète, tu seras poésie. Je me ferai caresse, soleil en nos sourires, nous ferons la tendresse jusqu'à nous endormir. Puis chacun dans nos trêves, voyageur insoumis, ma bouche sur ta sève rêvant à l'infini, sublimant le voyage loin des hommes et du temps, n'avoir plus jamais d'âge, blotti comme deux enfants. Rêve de te faire l'amour comme si j'avais 15 ans, pudique comme un velours, étrange sentiment, comme un gamin patient caché sous l'escalier, qui attend tout tremblant sa voisine de palier.